friends. Merry Christmas, you all. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Markovic. Notre invité, Éric Roussel. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le biographe de Georges Pompidou. On va commencer, si vous voulez bien, par la question la plus difficile. Alors, c'est un coup monté, cette affaire Markovic. C'est évident. Par qui et pourquoi? C'est un coup monté, mais c'est probablement... au départ, c'est pas un coup monté. C'est une affaire très complexe. Une affaire à tiroir. Il y a plusieurs affaires qui se superposent. Au départ, c'est une affaire tout simplement crapuleuse. Oui. Il y a une, vous avez très bien retracé dans l'émission tout l'enchaînement judiciaire qui s'est produit. Et puis, à partir de cette affaire crapuleuse et de ses prolongements judiciaires, il commence à y avoir une exploitation politique. Parce que Georges Pompidou se trouve mis en cause, probablement, de façon non innocente, pour essayer de lui barrer la route. Et aussi pour certains, sans doute, d'écarter les soupçons. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où le nom de Georges Pompidou et de son épouse sont prononcés, il y a une exploitation politique proprement dite. Mais cette exploitation politique elle-même est très complexe, parce que, autant qu'on puisse le savoir, et je ne crois pas d'ailleurs que Georges Pompidou soit arrivé à des conclusions absolument tranchées, je doute d'ailleurs qu'on y arrive. Il n'y a eu probablement pas un seul maître d'œuvre, mais plusieurs, et qui n'agissaient pas forcément d'ailleurs de façon concertée. Il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que depuis mai 68, Georges Pompidou était l'homme le mieux placé pour succéder au général de Gaulle. C'était le personnage central de la vie politique. Voilà, hein, exactement. Clair. Il avait été Premier ministre pendant 6 ans, et il avait été Premier ministre surtout pendant ces événements de mai 68. Et là, il avait montré une certaine solidité qui avait été appréciée par l'opinion, et les élections qui ont dénoué la crise en juin 68 se sont faites, on peut le dire, sur son nom. Donc, d'où le hiatus qui s'est créé avec le général de Gaulle, et on peut dire l'éloignement qui s'est produit entre les deux hommes à ce moment-là. Alors on va pas tomber dans le fantasme, mais essayons d'identifier ceux qui en voulaient à Georges Pompidou. Alors, on sait que dans la sphère gaulliste, il y a les gaullistes historiques, je l'ai dit, hein, qui sont dans le sillage du général de Gaulle, qui ont connu la résistance avec lui, puis il y a les autres. Est-ce qu'on pourrait penser que la partie gaulliste historique issue de la résistance aurait voulu barrer la route à ce néo-gaullisme qui était celui de Pompidou? Oui, mais c'est quand même assez complexe, parce que par exemple, un homme comme Maurice Coupe de Murville, il est arrivé, il avait eu un poste important à Vichy. On ne peut pas le classer parmi les résistants. Il est arrivé en 1943 à Alger. On ne peut pas dire qu'il fait partie des... C'est pas vraiment un résistant historique. Donc c'est plus complexe. Il y a certainement, de la part d'un certain nombre d'éléments de la famille gaulliste, un certain ressentiment, une certaine jalousie vis-à-vis de Georges Pompidou, qui a été extérieur à la résistance, et qui, dans le sillage du général de Gaulle, a tout d'un coup ce destin fulgurant. Alors, pour ces gens qui suivent le général depuis 40, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait incongru, qu'ils ont du mal à admettre. Alors, il y a toutes les jalousies qui se manifestent. Et puis, il y a aussi l'action d'officines, de milieux liés au SDEC, certainement, puisque Georges Pompidou a nettoyé le SDEC, ça a été la tâche de... Les anciens services secrets. Georges Pompidou a nommé Alexandre de Maranche à la tête du SDEC, notamment pour effectuer ce nettoyage. Comment se faisait l'interaction entre ces différents personnages, c'est difficile à établir. Tout c'est peut-être fait. On parle d'une rumeur. Il y a une rumeur, mais il y a aussi un montage. Ça va quand même plus loin. Il y a ces fameuses photos dont vous avez parlé. Et puis il y a un meurtre. Ça commence par un meurtre. Il faut être clair. Markovic n'a pas été tué pour compromettre Pompidou. C'est parce qu'il a été tué que le nom de Pompidou est apparu. Voilà. C'est quand même quelque chose. Voilà. Ça donne à l'affaire quand même une certaine lourdeur. Il y a dans cette. C'est une affaire qui dérape. Qui dérape. Et le nom de Pompidou. À partir du moment où il apparaît, où il est mis dans cette affaire, donne l'idée à certains d'exploiter cette affaire contre lui. Bon, on ne saura jamais qui est à l'origine de ça. On le saura peut-être. Vous savez, il y a peut-être des documents. C'est possible. Ce que je pense, c'est que chacun des protagonistes avait une vision, si vous voulez, peut-être un peu tronquée de l'affaire, un angle de vue particulier, et chacun voyait l'affaire de son. Donc c'est et puis il y a sans doute pas eu que des gaullistes d'ailleurs il y a tous les gens que Georges Pompidou gênait hein. Alors, donc ça fait pas mal de monde finalement. Est-ce que c'est Georges Pompidou qui disait occupez-vous de mes ennemis, je m'occupe de mes amis. Alors ça pourrait être Talleyrand. Talleyrand. Il avait repris ça, mais pour le coup, il avait peut-être raison. Et si c'était ses amis. Alors, on va écouter Claude Pompidou tout à l'heure, mais juste avant, le général de Gaulle, le comportement du général de Gaulle. On sait que Georges Pompidou est blessé du comportement du général de Gaulle, qu'il le soutient pas. Alors il y a ce dîner parce que voilà, quoi, c'est courtois, c'est de la politique. Mais enfin bon, il le soutient pas. Ben, c'est-à-dire que, pour comprendre les choses, il faut remonter encore une fois à mai 68, à l'éloignement qui s'est produit à cette époque-là. Le fait que les élections aient été gagnées sur le nom de Pompidou. Il y a tout simplement, vous savez, le destin. Il y a la rencontre de deux courbes, la courbe ascendante d'un personnage comme Georges Pompidou, et puis la courbe nécessairement descendante, tout simplement en raison de son âge, qui est le général de Gaulle. À partir de là, c'est une sorte de drame antique. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Si vous voulez, à partir de cette rumeur d'éloignement, de mésentente, enfin, entre les deux personnages, est née dans l'esprit de certains, dans la majorité de l'époque, l'idée qu'on pourrait attaquer Georges Pompidou sans être nécessairement désavoué. Voilà, c'est aussi simple que ça, sans doute. Alors, il y a une dimension humaine là-dedans, tout bêtement humaine. Il y en a une autre, évidemment, c'est celle de Claude Pompidou, qui était très blessé et qui est revenu sur cette affaire lors d'un enregistrement assez saisissant, vous allez l'entendre, en 1989. Vous avez été directement calomnié. Oui, moi j'ai été directement calomnié. J'y croyais même pas. Lorsqu'on me l'a dit, je ne pouvais pas. Je me suis dit, mais c'est une blague qu'on me raconte là. Ça paraissait ridicule. En sorte, c'était une sorte de complot, mais dont il est un peu compliqué de parler et d'ailleurs difficile de retrouver absolument tous les nœuds. Mais enfin. Disons que c'était une photo, que c'était un faux et que le faux était très très apparent. Donc, vous ne faites aucune confiance à la politique. C'est-à-dire, au nom de la politique, je crois qu'on peut. Inventer n'importe quel scandale et vous vous en méfiez terriblement aujourd'hui. Je crois que la presse, si elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut. La presse est très puissante. Elle peut faire beaucoup de bien. Et en général, tout de même, elle fait du bien en ce sens qu'elle rapporte les événements tels qu'ils sont et qu'elle informe tout le monde. Mais il arrive quelquefois que, soit par manque d'informations ou autre raison, je ne sais pas, elle puisse faire beaucoup de mal. C'est terrible. Et c'est dommage. On vous a attaqué pour abattre Georges Pompidou. Oui, bien sûr, naturellement. Et lui, il avait compris, il en a été encore peut-être plus malheureux. Il aurait préféré être blessé lui-même. Oui, bon, bien sûr, elle a été beaucoup plus malheureux que moi. C'était plutôt moi qui le remontais. Parce qu'il admettait très mal que moi qui n'aimais pas la politique, je me trouve justement prise dans une histoire comme ça. Vous avez rencontré Claude Pompidou lors de l'écriture de votre biographie. Parlez-nous un peu de cette femme. Alors, nous, on ne la connaît pas, mais on a le souvenir d'une femme élégante, très élégante. réservée, surtout pas de la politique, surtout pas toucher à ça. Était, on touche pas à ça, elle en avait peur, elle le dit d'ailleurs. Non, elle était tout à fait extérieure à la politique. Et d'ailleurs, Georges Pompidou lui-même n'avait pas ses amis, ses véritables amis, dans le monde politique. Il est chez les artistes. D'ailleurs, le général de Gaulle lui reprochait. Lui disait, c'est quoi cette vie nocturne? On prend des risques quand on sort. Oui. C'était pas lui. Ils allaient à Saint-Tropez. Alors évidemment, à partir de là, ça faisait un terrain, si vous voulez, sur lequel on pouvait fantasmer. C'est des choses totalement ridicules. Mais enfin bon, dans l'esprit de certains, il y avait ce terrain, voilà, qui se prêtait à des rumeurs. Pour en revenir à Claude Pompidou, ce qui est certain, c'est qu'elle n'a absolument pas voulu que son mari fasse de politique. Ça, c'est évident. Elle l'a pas du tout poussé dans ce sens-là. Mais enfin bon, là, il était placé dans une situation qui ne lui laissait pas d'autre issue que de sortir par le haut. Donc, il était engagé dans ce processus. Et finalement, d'ailleurs, quand on voit comment les choses ont tourné, on s'aperçoit que cette affaire qui était destinée à l'abattre, finalement, ne lui a pas nui. On a rappelé coup d'épée dans l'eau. On a rappelé le score qu'il a obtenu à l'élection présidentielle. 58. Cette affaire. Ça ne lui a pas nui. Et il faut dire aussi que quelle qu'était à l'époque l'importance de la presse écrite notamment et de la radio, il n'y avait pas non plus les réseaux sociaux. Alors cette affaire, elle a été connue surtout dans ce qu'on appelait à l'époque le microcosme. Mmh. Elle en est sortie tout à fait à la fin, quand il y a eu des prolongements judiciaires, lorsque la radio, effectivement, la radio nationale à l'époque, a fait état de la convocation de Georges Pompidou. Et d'ailleurs, quand Georges Pompidou réagit, il prend bien soin de dire l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, pour bien marquer qu'en s'attaquant à lui, on risque aussi d'attaquer le général. Et la réplique ne se fait pas attendre, enfin la réaction ne se fait pas attendre, il est immédiatement invité à dîner. Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez, grosso modo, c'est une affaire lamentable, absurde, parce que en réalité, elle n'a rien changé. Elle n'a rien changé, je ne crois pas que ça ait déplacé une seule voix. Et il est apparu tellement rapidement que cette affaire était destinée à l'abattre, que ça s'est plutôt retourné. Je pense pas qu'il y ait eu des études d'opinion sur ce point précis, mais on peut penser que ça a eu un effet nul. Bah les faits le prouvent, effectivement, voilà. les 58%, voilà. La victoire large. Dernière chose, Éric Roussel, cette liste-là, Georges Pompidou avait vraiment une liste avec les noms. Il avait une liste, oui, voilà. Ça, il avait une liste, mais bon... C'est une liste qui n'a pas forcément une valeur absolument scientifique. C'est aussi le réflexe de quelqu'un qui a été mis en cause de façon odieuse et qui réagit. Et c'est vrai que je crois qu'il portait cette liste sur lui jusqu'au bout. Bon, ça ne veut pas dire que tous les gens qui étaient sur cette liste étaient tous... Encore une fois, on n'a pas pu faire absolument la lumière. Et puis, il y a des gens qui ont été simplement maladroits aussi. C'est très difficile à dire. Par exemple, le ministre de l'Information, Joël Le Teul, dont vous avez parlé, je ne crois pas qu'il a peut-être été maladroit, mais je ne crois pas qu'il ait été l'instrument d'un complot. Bien, il me reste à vous remercier, Éric Roussel. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui est le livre référence sur Georges Pompidou et qui s'appelle tout simplement Georges Pompidou. Encore une fois, merci. Au revoir, merci. À bientôt. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.